بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وجمعنا به في عليين في الفصل 25 من كتاب النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ثم قال الشيخ زرق رضي الله عنه قاعدة إثبات الحكم لقضية خاصة لا يجري في عموم نوعها لاحتمال قصره على ما وقع فيه سيما عند من يقول الأصل المنع حتى يأتي المبيح إلى آخره كون ci jotay bi wessu gisone nañ ñet qaida yi nga xamantene mom la mbeumbeustele masala bi ci walu gi nga xamantene manam mom lay saxale zikkar ci mbolo qaida bu ñëk bi mom moy i'ta'ul hukm fil umumi la yaqdi bi jarayanihi fil khufuf manam saxal atté ci lu mat ci lu lambo du waral ñu diko dawal ci lo xamantene dafa particulier kon lu particulier lu ne day laaj tektal day laaj preuve bu particulier bu koy saxal benen bi moy qaida moy bi nga xamantene mom lañu nek manam isbatul hukmi li qadiyatin khassa la yajri fi umum nawaiha atte saxal ak atte ngir xew xew bo xamantene dafa particulier du tektelene day nek manam day daw ci généralité boudé ben xew xew motax xew xew bu particulier mënu ñoo dawal atté bobu ci kaw yenen manam mbir yu général al qadaya al anoko qadaya al a'yan la tuslihu hujjatan lil umum nga xawon nga ay exemple voilà lolu ben lil qa'ida mënu ñu tuddé sax nonu qadaya al a'yan moy atté yi nga xamantene xew xew yi nga xamné qadaya la mënu ñu al qadiyatu ayni la manam li dafa xew parce que particulièrement li la doxon nga exemple voilà lolou kenn duko jox atté pour mu meuna matal li nga xamanteni mom manam du tax mu général lu dugg ci généralité bon xeyna lat na yaatal ak yoy nonu amal na ci meun nañ ko gis ci leneen mais légui dal lolou mune lan mune l'ihtimal nga ndax yanu bi mu yanu qasruhu ak gatañ lom ala ma ci kaw li nga xamne waqa radna fi ci mom manam bu ben affaire amé mën na nek ne ci lolu kessé la atté bi am lolu mom motax possibilité bobu motax du lepp lu mu bokal xew nuro ko rek dañuy jël atté bobu jox ko ko comme par exemple as-sayyidat fatima radiyallahu anha bu ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tere mu tak or tekki wul ni kep kuy jigen rek dañ koy tere mu tak or mën na nek ni dafa am lu mu jago mom ba tax ñu permettre ko mom mu tak mom ñu xagn ko mom mu tak or comprendre ñëré OK muna siyama rawatina andaman fof ñinga xamne yaqulu dañuy wax nan ci borom xoxomi nan al aslu tusan al man'u moy aku xagn hatta mbete yati mu dik al mubih lay daganalat manam lan moy tusan tusan mom moy al ibaha wala al aslu moy al ibaha wala al aslu moy al man'u lol borom xoxom usuli dañ ci wuti rahmatullah alayhim ñi nga xamantene nak ñom ñoo upp ci borom xam xam ci fuqaha yi ñom dañ wax ne al aslu fil ashya al ibaha li nga xamantene mom moy ciosan ci mbiri moy ak dagan lool moy aslu bi ba likoy téré ñew voilà ba likoy téré ñew d'accord parce que si j'ai un peu son contraire bi la wax wa voilà mais lool la loolo tax mu ne rawati na ci ñi wax contraire maam ci ñi wax lool li ëpp nak ci borom xam xam usuli rahmatullah alayhim li lañ wax te ñom ñoy maliki manam hanafiyyi ak maliki ak shafi'i ak mbolo sax ci hanabilay rahmatullah alayhim donc ben baati ci hanabilay ñom ño wax ne wala al aslu ash-shay' moy al manu ñom nak wala comprendre wala niki non amna ci hanafiyyi fuqaha hanafiyyi tam ñu koy wax mais dal li upp ci borom xoxo mi ñom dañ ne al asya aslu fil ashay al ibaha li ciosan ci mbir moy dafa dagal mom dess kon hanafiye ci mbolo ci ñom ak hanabilay rahmatullah alayhi ala kulli halin ciosan ci mbir yi bu fekente da nga japp ne dafa haram manam ba kérok dalil ñu wonne la dafa dagal kon surtout ci jaamu yalla fil ibadat motax ci ibadat surtout fofu mais al aslu même ci ibadat bu fekente ne mbir mi manam xet xet bi ci bopum dagan na ciosan bi moy dagan na utiliser ci jaamu yalla parce que jaamu yalla luñu xam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam en tant que nit ku nekk ci kaw suuf di dund ak ñun mënta def yu bax yépp parce que dundam dafa limité dans l'espace et dans le temps manam en tant que nit la wax dafa limité wu ci dans l'espace et dans le temps du dog munul parce que temps biñ ko may pour mu dund ci dañ ko limité donc lepp lu bax lepp mënu ko def def une grande majorité mën na def day def yenn yi yoy indiqué yi ci dess wané ni yi ci dess bax nañ comprendre nga lu ma day def len pour indiquer yenen yi mais lepp mom munu ko def du deug voilà donc lolu mom motax ci bir surtout ci question bi ni ci walu jaamu yalla yi li ciosan deug moy xet bi lañuy set rek ba xam dagal na li ciosan comme tay julli li ciosan ci julli moy dagal na wala ak ñu mën ci jullé manam c'est-à-dire fi respecté nañ règle yi ñuy jullé ciosan ci julli moy dafa dagan à n'importe quelle heure n'importe quel moment ak nombre de rak'a bo ci mëna def lool moy ci principe bi légui nak mu am heure yu ñu sété ko dañ ni exception lañ yi heure yi mom mëno ci julli dañ koy téré voilà mais ciosan bi ci jaamu yalla moy julli gi moy dafa dagal waaw comprendre manam il faut façon bu mel non sharia daganal ko suko moy zikar tamit ciosan ci zikar moy dafa dagal dafa nagn ko def legui nak façon bañ koy def nombre de biñ ci def ak ci liñ koy teunk espace bek yoy yep ciosan bi moy dafa dagal maintenant mu am ño xamne dañ na dedet ciosan bi ci jaamu yalla yep moy dañ ko teral mais amma wahabidi li nga xamantene mom lañu bëgg comprendre lo né lepp lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam bayyi difu ko rek dafa haram lool wahabidi bëgg comprendre lo ñu lool mu amul par contre parce que ñom li ñi bëgg wax moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu mu deful ba nga xamne amna ci ñom ño xamne dañoo dem bu jigi dañoo ci question bob ba nga xamne dañ na lepp lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam deful rek wala ñu ñëk ñe defu ñu ko rek baaxul alors que c'est pas vrai lool du dëgg amul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mën na baye ay mbir xam nga lan lay tek bu baye dara limi tek moy lola warul mu baye dara limi tek moy lola warul parce que su waron yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duko baye lolou lay tek niki nonu ñu ñëk ñi baye ben affaire limi tek moy lola warul mais tekki wul ne lola baxul sama borom subhanahu wa ta'ala bimu ñuy wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sen royu kay dafa ni ba pare da ñuy wax ni lu leen yentou sa rasul dañu wa ma ataakum ar-rasul fa khuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu yentou bi sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu leen jox jël leen lepp lu mu leen ha téré balen waye waxul lepp lu mu bayyi balen ko waxul lool lepp lu mu téré la wax bayyi den ko kon bala ño xamne mbir mi war nañ ko manam baxul il faut que yentou bi sallallahu alayhi wasallam téré ko mais le fait que mom mu bañ ko def tekiwul ne baxul effectivement baxna mën na bañ def dara voilà alors que lolo lu bax la bax mom ngay leral nañ sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam nan lañ koy définir lepp lo xamantene al qawl wal fi'l wal iqrar moy at taqrir ñet yi ñom ñoy sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxam jëfëm ak lu musaxal lu mu bayyi bokku ci manam waxam la waxam sunna la jeubam ak lo xamantene gis nako ñu diko def ci kanamam te wala ñu wax ko ci kanamam mu saxal ko moy mu nopp wal fi'l wa taq wa iqrar wala taqrir wal iqrar wa moy taqrir moy taqrir wal taqrir wa d'accord moy lepp lo xamni ni wax nako wa wala lepp lo xamni def nako wala lepp lo xamni dañ ko def ci kanamam ba ñu wax ko mu fekke ko te yone salalahu waxu ci voilà te bu waxul ça veut dire que lolu bax la voilà parce que yone salalahu du nopi ci lu bon mais Allahu sallam salalahu sallam mais sous condition rek kako wax wala kako def nek julit ça c'est la condition majeure voilà principale parce que boudé ap yifi rek ko def téré wu ko lolu tekkiwul ne lolu lu bax la wala am yefere ko wax tere ko tekkiwul ne lolu lu bax la yaangi deg d'accord c'est très important lolu d'accord kha lu am solo gis nga teunk bobu lu am solo la d'accord ñetti mënuñu baña and ak bi hein ñetti nga wax wa moy ñetti yi teural sunna non bu mujju bi mënuñu baña and ak ñetti wa mënuñu and ak munul baña and ak kon teunk biñ ko teunki waaw teunk biñ ko teunk ni wala ci ne sous condition ka ka wax ni mba mu jëf ko nek julit mais lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam baye bokul ci sunna manam teki wul na sunna la bako du deug faut faire la nuance quoi voilà parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam mën na baye mbir té la tax ngir ay raison yu bari mën na bayyi mbir pour ndax day japp ne suko defé wala suko diglé wala mu diko def day tax xéet bi sonna comme lim né lim né won inna la waqtuha lawla shaqqa ala ummati aw ala an-nas waqtu ge moy dem ba guddi gi xat danaka di waja xat mu do ko julli mune waxtu wi li moy vrai waxtu bi gën ci ñu julli ko ge budul won ma tek ciorno sama xet kon heure bi la koy julli sa su ne tous les jours heure bi la koy julli dem ba hein xolal lol kon yeen sa sa le fait que mu bayiko teki wul ne manam pourtant bayina lu gën dafa bayyi lu gën pour baña tek ciorno voilà xeb kon le fait que mu bayiko tektelewul ne lola lan na lola baxul tektelewul sax ne lola mo gën manam dañ ko gën daf ko def pour pouvoir faciliter la vie de ses voilà de ses concitoyens de ses compagnons comme bimu wax tamit lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salat wala ci benen roi inda kulli wudu budul won limay bañ tek choono sama xeb kon dina len digal ñuy soccu sa yu ñu waré japp wala sa ñu waré julli mais le fait que mu bayiko moy dafa bañ nit ñi sonn parce que bu doon dañ len nan obligé ñuy sortu sa yu ne dañuy son day 10 après voilà le fait que mu bayiko tektelawul ni mo gën parce que li gën moy ngay sortu sa su ne sa yo wara japp wala so wara julli and ak lolu yentou sallallahu alayhi wasallam diglé wuko hmm du deug hmm amna leg leg yentou sallallahu alayhi wasallam bayyi mbir fek li tax mu bayiko moy dafa bëgg manam dafa bokul ci adam culture façon de faire wala façon de voir comme ni mu baye ay habitude voilà comme ni mu baye lek mbeut bin ñu indil ko mbeut mu ne gaay man duma lek gaay ne dafa dañ koy bañ mu ne dedet dafa bokul rek sama culture way yeen lek leen gaay lek comme hadith sayyidat asma bi sayyidat asma radiyallahu anha bi nek ci sahih muslim wala bukhari bukhari rahimahullah muhammad ni ne rendi nañu fas wa jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam fofu non ci keur ga way yenenbi sallallahu alayhi wasallam lekku ci ndax mom du lek fas manam ndax du habitude way ñepp gaay fofu ñom ñepp lek nañ kon leg leg yenenbi sallallahu alayhi wasallam bayyi mbir fekk dagan na lek dagan na def waye da ko bayyi leg leg ñaari possibilité am mu def ben parce que bobu lu bëgg sallallahu alayhi wasallam xolal par exemple wala bobu la japp mom la lom la def biso bimu nan bimu diggé lay nit ñi ñu def tamatto ci xat lolu may lan mo wa ma ngi ñu mune law istaqbaltu min amri lamastadbartu wala wala ma suqtu alhadiya wala ja'altu numtati wala ja'altu hajj umra wala bok wala wa aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam law istadbartu law istaqbaltu min amri lamastadbartu wala ma suqtu alhadiya wala ma wala ja'altu hajj umra wa aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam buma jom djublu won deug deug ci sama mbir manam buma jëmon ci kanam ne duma delu gennaw kon buma djublu won deug ci lim ci mbir mi duma delu gennaw manam moy dal suma nexon dana avancer te duma reculer te kon bu boba duma jël sama hadiyu bi duma ko indi te sama at bi kon dama ko def umrah rek man dama def umrah après ma dal fi mo wut fi ci makka mo wut fi hadiyu manam moy xar yoy ñu rendi ma rendi ko après ma def sama at manam ma def at ak umrah ma bolé len lool moy tamattu parce que dafa am ifrad am tamattu am qiran yenenbi sallalahu alayhi wasallam qiran la def dafa jëlé ji manam hadiyum xar momu da ko jëlé makka medina bok medina ñew makka manam ñom ñoo and bu ko indé ba fofu ci lako rendé bolé ak umrah lool moy qiran fofu nak dana labbayka hajjan wa umrah ana labbayka hajjan wa umrah manam non lay def bu nekké ci bimu nekké ci miqat bi bu fekkenté né dafa am luñu wax tamattu moy ma ñew umrah lay def ci damay ñew umrah suma ñewé umrah légui damay ut hadiyu fi la koy wuté makka ma rendi ko après manam ma daal yiina ak manam rend deret joju may tour rend bo may rend hadiyu gi daf may permettre parce que xam nga suma waré ak dama wara juggi ci miqat bi manam dafa am Zul Khulayfa Qarnul Manazil Yalam Lam et cetera manam parti yu fo xamanteni solo fi nga jugge fofu ngay manam fofu ngay armalé fofu lañu armalé pour commencer nak dem nak labbayk allahumma labbayk wala dem étape yi wala commencer dem fofu nak lañuy tambalé ak bi fofu lay tambalé d'accord donc ñi yamuñu ci ban niveau lañu commencer wala fa lañu ko voilà solo côté bi nga jugge côté bi jugge voilà légui su fekkante na man dama jugge comme boudé Medina dul khalifa gogou non moy jogé hmm mo wara dugg ci aji hmm suma jogé fofu bu fekente ne avant ma fay yexi wutna sama haddu yu mam hmm dugg ak mom hmm boba damay daldi yene kiran nga xamne suma duggé hmm damay daldi aj umra rend sama haddu yu hmm mu daldi jeex lol kiran la tuddu d'accord ndax haddu yu gi légi nak su fekkete ni damay def tabattu moy damay ñew def umra mo simé ko hmm manam dindi sama yéré acc hmm mom yéré umra bu hmm buma paré ma wax né ma dem wuti ji haddu yu bi hmm au lieu ma dem hmm ma déllu wat ba ca miqat ba parce que lolu tam man na né manam buma défé umra ba paré ma déllu wat ba ca miqat ba hmm fi nga xamantene fofu lañu wara tambalé acc bi hmm pour dugat déllu ci wat lolu mën na ko def hmm mi moy dama opté pour benen possibilité voilà maintenant au lieu may dem légui le fait que moy mo wara jugé makka hmm déllu wat ba ca miqat ba pour revenir at manam bu génn miqat ba pour revenir at nak hmm dugg ci wat pour nak légui at voyage bobu non parce que dafa sori voyage bobu non pour ñu wañil mako ñu dindil mako damay rendi am xar mu daal di dindi voyage bobu mo warona def dem bi ak delu ci wañi d'accord da koy remplacer d'accord day nek genre compensation voilà d'accord lool moy haddu bi légui mu am ifrad ifrad mom moy damay acc rek acc kessa lay def kon boba duma rendi haddu duma def dara acc rek lay def moy baye ba euro acc jot mu dugg ci ñew acc et cetera d'accord donc ñet possibilité nga voilà ñet possibilité légui nak yenen tou sallallahu alayhi wasallam nak mom dafa def qiran mom dafa jëlé hadiyo medina mais bimu ñëwé sahaba yi radhiyallahu anhum nga xamné amuñu won ki daf ni len def len tamatto dal ni nak su fekkul won né manam suma djublu won sama mbir deug duma ko bay duma bayé té konantone damay jël sama ak bi dama koy soppi def ko umra bu boba haddu bi damay baye ba ñew fi wut ko do def tamatto parce que sahaba ay radhiyallahu anhum commencé won xam nga rek affaire bi nakari len touti le fait que yeenentou sa sall nak di len dalal sen xel ni len nak man mi d'ailleurs suma indi wul won li li lay def d'ailleurs sax j'aurais préféré sax def li ngeen def d'accord donc préférer def tamatto voilà. Que def qiran and ak na qiran la def mais qiran lo tax borom xoy wuté ban mo gën ndax qiran mo gën wala tamattu wala ifrad and ak na qiran mo gën ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom lako yalla xamal kon mo gën waye nak solo tekantal bi gën dal moy qiran mo gën pour ñi nga xamantene mën nañu juggé seen réew ye indalé wala seen dëkk yeen juggé indalé seen hadiyu lolu qiran mo gën comme ñu dëkk medina manam ñu dëkk biir arabie saoudite nga xamne ñom auto rek lañu yor jël wutul espace ak xar rek duggal ko ci biir wey ñu wala mo wax kon ñoo qiran mo gën wala ñu dëkk ci dëkk yi nekk à côté ay jordan yi côté mais ñi nga xamantene ñom par exemple ñom ñoo dëkk fi ni sénégal et cetera ñoo tamatto mo gën ci ñom parce que ñom mënu ñu indi ñi nga xamantene nak ñom tamit tamatto bi moy ñu dem ba fofu jënd xar wala jënd hadiya bi wa hadiya bi waaw ray ko wa non dañuy def umra simeku out xar mom pour lolu manam legui da defat ak nga xamne dañ koy rend ci minam donc dañuy yek umra après soumi sen yere yi jënd voilà. Fatiya ray ko voilà. Après commencer sen voilà. Def hadj bi voilà d'accord comprendre voilà legui am tamit ñi nga xamé tamit mais hadj bi minan lañ koy ray hein voilà manam jour tabaski d'accord voilà légui bu fekkete nit ki da fay def ifrad manam ñi nga xamantene ñom par exemple mën nañu umra ci yeneene période yu bokku tek période parce que liko dalé wéru koor bi ba at bi fukki fan yoy lool fo manam digënté bobu ci la ki mëna né ci la at mëna né légui ñom bu fekkete ñi nga xamantene par exemple mën nañu ñew def umra déllu wat ñew def at lool mo mo gënti ñom nga xam seen réew yi ki wul non waaw moy ñu séparé ñaari voilà ñu def umra après ñu waat def voilà ñu mëna def acc kessé nga xam né sa ñu bëggé ñëw dañuy mëna défaat acc sa ñu bëggé ñëw rek makkar def acc mais am nañ possibilité bolé ñaari voilà façon ñi dëkk ci dëkk yu sori ñom ñaari lañu bolé ñom ñaari lañu bo parce que mënu xam nga tay bu mo fi joggé ni dem acc umra bëgg acc bi di ñëw ma débat lool daf may sonal daf may metti ci man waaw tamit dafa la voilà dafa laaj quelques copains wow. voilà lolou la bon ala kulli hal manam pour wax rek ne yaron tibi sallallahu alayhi wasallam mën na baña def lo xam té pourtant mënon na amna ñetti possibilité mais ñetti possibilité mënu len defando ala kulli hal lolou nak wa kay khiran la def khiran la def mais tamato baxna mais tamato baxna ifrat baxna baxna pourtant yaron tibi sallallahu alayhi wasallam deful ñaar ya mais bi la def d'accord lolu muy tek lolu moy xam nga leg leg kon yentou sallallahu alayhi wasallam meuna baye dara fek possibilité yi yenen am nañ possibilité am nañ je peut-être possibilité sax ñu gën voilà parfois voilà parfois et cetera manum yentou sallallahu alayhi wasallam likoy taxa baye mbir dafa bari d'accord bobu leer na wax voilà leer maintenant nak kon legui fi nak mom dafa wax ne ñi nga xamantene nak legui mu ne même ñoo ñi nga xamantene surtout ñi nga xamantene dañoy japp ne lu haram manam ciosan mi moy dafa moy dañ koy téré dañuy téré dara mune ñooñu nonu ñu daganal mbir ci ben espèce manam ci ben espèce du tax genre bi yépp ñu mën ko dagan ak ñoom ci ben individualité wala ben élément légui nak mune wal jaru biral bi zikri ci sikkar wa dua ak ñaan wa tilawat ak jang alquran akhas mo gëna jago minal jamm ci di dajalo fi ha ci mbir yoy wala ha ak ñeel mbir mom manam di biral biral moy wax out voix manam di zikkar wala ngay ñaan wala ngay jang alcorane nga wax ko ci kaw lool mo gëna particulier ke ñu ne nañ dajalo def ko xam nga buñ dajalo def ko dañuy wax ci kaw mënu ñoo dajalo def ko par luñ wax ci kaw mais buma ne mais man rek ba tok diko wax ci kaw lolou mo gëna particulier que ñun ñëpp ñu dajalo def ko comprendre nga li wax voilà légui le fait que ñu permettre ma tok wax ko ci kaw lolou lolou tektele wul ne manam lolou dafa particulier par rapport ak le fait que ñu wara dajalo ñun defandoko ñu dajalo ñun defandoko mo gëna général comprendre voilà li kawni ngir nek gi mu nek maqsuudan di aji luñu djublu bi khilafil awwali wute nak li nga xamantene mom moy bu ñeuk bi fa inna ndax lu ñeuk li mom aam mo geuna matale wala mo geuna general manam wax ko ci kaw mo geuna general parce que buñu dajalo we dañ koy wax ci kaw buma toge man kess dama koy wax ci kaw kon wax ci kaw gi mo geuna general ke dajalo gi mo geuna particulier wala exactement lool la voilà kon fa inno ndax lu wer bor moy mom am mo gëna matal min zalika ci lolo falazima boba mu dadi war talabu sakku dalilun ak tektal manam argument preuve yakhusuhu bu koy jaglel bu koy particulariser munafa amal jamu ndal dajelo nak legi nak bu boba kon dafa laaj argument preuve bu particulier pour ñu mëna daganal lan dizikar ba pare dit ko def ci kaw waaw d'accord lolu dafa laaj argument bu particulier voilà argument bobu lan la mune fa amandal al jamu dajalo li zikri ngil zikar fa fi nek na ci al muttafaq alayhi muttafaq alayhi moy ci ñaari sahih bukhari ak muslim wa kay moy luñu depp ñom ñaar imam bukhari imam muslim rahmatullah alayhima ñom depp nañ ci indi imam al had ab hadith min hadith bu tukke ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom lu tudon Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr. Ad-Dawsi. Mune inna liwerbur may lillahi nyal la bur yalla malaikatan malaika yatufuna dañi bagandi fi turuq ci yoni yal tamisuna ñi ay seen bir nek aji lamb khilaq dhikri jotay sikari al hadith bobu. Moy hadith bi nek ci kaw. Voilà. D'accord. fa yasaluhum laj len rabbuhum sen borom ma yaqulu ana lan lay wax ibadi sa bajawi fa yaqulu ñu nako yusabbihunaka dañ lay sabal wa yuhamidunaka te dañ lay wa yahmudunaka dañ lay sant wa yukabbirunaka dañ lay kabbar wa yuhallilunaka dañ wax la ilaha illallah wa wa yumajjidunaka dañ lay bak di lakagn al hadith ba moy bi nek ci kaw okay wowote lolou hadith la waxna manam wowote lolou kon hadith la waxna sarihun lu bir la manam lu leer nagn la fi babil ci buntuk al jamad bolo li ayni zikri ngir jëmmi sikkar bi targhibi ci di xemem lo fi siyaqi ci diko ci wo mat ko maam ci diko def wama waqa nda te han wama ci li nga xamantene nak waqara na fi akhirih ci mujjantelu bi min ci na an nan wer bor moy fihim amna ci ñom man ko xamne lay sa nekul minum ci ñom fa yaqulu bu mu wax taala bur yalla li nga xamne kawenam munahum ñom de al qawm nit lañ ño xamne la sta du texe di jalisum jotaayo ak aji sen jotaayo sen na mune parti bobu mom fa ukhiza dañu jele minu ci mom jawazu daganu qasd djublu way al ittima' di dajalo li ayni zikr ngir jëmmi ci karji bi wajhin ci anam go xamne la yasuhu manuta jappandeti ta'wiluhu diko gëndele interpréter ko manatu la nek parce que le fait que mune malakai ne pourtant diw de mom djublu wul won amul won objectif ci dem pour ñuy dajalo zikr bob amul won objectif pour lolu le fait que mu wax ko moy waré ni kon ñi dajalo té am objectif bobu yalla né ñoña dajalo pour am objectif bobu dajalo di zikkar loola yalla ci bopom manam dafa leena may benn jaglé té jaglé bobu moy ku jotaayo ak ñom du téxé di parce que ñom dañu am objectif bobu parce que bu dul won ñom seen objectif bobu amna ndariñ bu amul won ndariñ objectif bi manam bu dagadul won né waron nañu man am objectif bi wax deug wala bok amul masi amul jagle bu ci nek amul particularité amul ngeureel bu nek ci ñu am objectif gaay nañu dajalo wëzifa bu amul won objectif bobu le fait que ñu am objectif bobu intérêt bobu nefi bu dul won amna ndariñ kon le fait que malaka yi nan ko ka amna diw sangam mu bokku won ci ñom amul won objectif dem ci dajje ci kargi do amata jari le fait que ma yalla wax tamina subhanahu wa ta'ala borom bi ne ah ñoña day manam ndax seen objectif bobu taxna kep ko xamantene jotayon ak ñom du taxé de def da fay lan day woné da fay woné ni manam ci anam gu leer go xamantene manoko interpréter dafa amul mel no meuna def ba interpréter ko bani non non djublu wuñ ci jotay objectif be yoy kon li dafa leer nañ lolo tax biñ nekk ci hadith bi il y a deux séances hein ci ñaari jotay yoy dañ waxone ne hadith bi moy li gëna leer ci masala bi mu wone ne ke dajale ci tuddu yalla okay bay lu dagan la voilà té lu luñu xemmi mu nonu ñëlam lo ñu ñëla ndax ndariñ gu bari gi ci nekk mu ne ka hadith kem hadithu ma jalasa du jotay yo qawmun nit muslimuna ñuy ay julit majlis sanaw jota yakuruna ñuy tuddu allah bur yalla fi ci ñom illa ludul hafat dana mure biim ci ñom al malaikatu malaakai wata tanazzalat dana wacc alayhim ci ñom as-sakinatu ak dal wa ghasharum te dana len lamb ar rahmat yermande wa zakarum te dana len tuddu allah bur yalla ta'ala ajka ju fi man ci ñinga xamantene ando ñoo ne fa mom moy hadith bi waxon na ko ci jota bobu hadith bu nek la ci sahih imam muslim rahimahullah imam muslim rahimahullah ibn hajjaj okay muslim ibn hajjaj al-qushayri an-naysaburi imam muslim ibn hajjaj ibn muslim tayde wa kon mun hadith bi tamit mom tamit day tekkale lol parce que dañ amul ay nit duñu tok julit jotay bo xamne dañ ci tuddu yalla luddul lol am amna ci benen riwaya il 1 bo xamantene tuddu yalla gi daf ko wax yatadarasunahu baynahum manam yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum dañuy jang téré yalla ba paré ñukoy jangalante seen biir diko leral diko firi et cetera ala kulli hal en tout cas hadith bi riwaya bi wax ci zikr doyna muna wa zikr nak wala hadith bi xam nga hadith bu ñëkk bi moy bi nekk ci kaw waaw biñu gisone ci jotay bi gënal beulé waaw bi waaw bi mom la wax né xam nga bi bobu kenn bi kenn manuko interpréter alors que hadith bi ñu mujjé tuddu ni moy nit ñi duñ joto moy bi ñu mujjé tuddu ni nek saxé imam muslim bi rahmalah bobu mën nañ ko interpréter mom la lay wax muna wa zikru ndax zikr fi yu awwalu def nako gëndele bil ilmi ci xam xam maratan leg leg wa bi zikri ak di tuddu al ala'i jumtu way ukhra leg leg benen yoon parce que zikr fi day mëna lambo sens yu bari voilà alors que ci sens ci hadith beulé ci hadith bi ci kaw mo mënu lambo sens yu bari benen sens budul tok di tuddu yalla exactement diko wax ci kaw te objectif bi nek wa yalla kessé wa ok mu nek mo may du lenen voilà lepp djublu way bi borom bi voilà lolou mënu am lenen exactement alhamdullah légui yaangi deg muna waxumi la def na yan batu zikar mana bi ala zahiri ci li gëna feñ ay dan batay ta xam nga al zahir mom mu upp doole al muawwal al zahir muqaddamun ala al muawwal suma waxe ben wax mën manam zahir mo am ak muawwal zahir ak muawwal moy le sens apparent voilà muawwal moy le sens propre dedet moy le sens figuré dedet moy le vrai sens dedet moy le sens moy l'interpréter manam deuxième sens xam nga bu mo né dafa am premier sens am deuxième sens d'accord moy tay su mo né su mo né rendé dama démon makka xel yi ci limi ñëkk dem moy dama dem makka sama xel ci limi ñëkk dem moy lan bu mo waxé ni man dama demone makka ren lan ngay xalat da nga aji won dama aji won wa kon ban makka mo tax ñuy wax makka tal mukarram bu nek arab saoudi wa ok legui nak alors que mën na ci baña djublu lolu d'accord mën na ci djublu donc ma mouvement sens apparent et vrai sens non sens apparent non xam nga dafa am lool gisul nañ ko ci biñ nek chapitre 2 dafa am liñ wax an-nas non so waaw terme ma ngay fatali ko bu baax ma fatali ko terme yo bu baax exactement ci séance bobu ki won na ma waaw dafa am lu xam nga nafsu moy lo xamantene manoko interpréter lool moy an-nas moy un texte bo xamne dafa leer leeray bo xamne mënumako interpréter ken mënul mëno firi mëno wax aw musa ka wané bu firé ko nenen loolu li comme qul huwallahu ahad waxal na yalla kenn la kok mom mëno fe taxaw bu firel mako lenen loolu ne yalla kenn la ak lo ci djoglu nak wa yaangi ni yalla kenn na la ngay mujjé wala lool texte la bo xamne dafa leer ci wétuk yalla subhanahu wa ta'ala noy deug legui fekkentene dama ni la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab hadith ubadah ibn samit bob radiyallahu anhu bu nek ñaar sahih yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn du am julli ludul ñu jang julli gi ñu jang ca fatihatul kitab légi lolu sens bobu est ce que nass la wala du nass moy texte bu leer wala du texte bu leer dañ nan la du texte bu leer lolu tax borom xam xam yi rahmatullah alayhi wuté ndax tari fatiha farata ci julli wa wala dit andak hadith bi amna ñi nga xamantene dañ ni texte li zahir bi lañuy jël parce que xam nga comme zahir mom lañuy jital tout sans ci interpréter luñuy interpréter zahir ak muawwal muawwal wa parce que mi ngi jogi ci ta'wil bi teki gëndele bi teki interpréter interprétation lan mo jitu zahir le sens apparent mo jitu ci d'accord moy le premier sens wa le premier sens lan lañuy comprendre lan ngay ndik comprendre moy julli bi du bax lool lay comprendre man tay nañ jël légi après na joxe benen exemple bu gëna patant bu gëna clair légui buma né julli bi de du bax ludul lan matar fatiha ci julli gi alors que fuqaha hanafiya par exemple rahmatullah alayhim ñom dañ ni dédé téki wul né julli gi du bax kon xam nga yow ñi ci dess dañ ni la salata amul julli manam ay la falata sahiha manam dedet amul julli gu wir ñom lool lay tek ci ñom parce que baat bi nimu ñewé non zahir bi lool la manam moy le sens apparent lool la fuqahu hanafi ni dedet la salata kamila lay tek manam julli gi du mat c'est à dire que julli gi du nek ci niveau parfait ludul nga tane ci fatiha lool la hadith bi di tek mais tek ci wone julli gi du bax comprendre mais lan moy premier sens bi moy julli gi du lan du bax comme tay legui ñu jël sens bu ci baat ñu ngi dem fu gëna sori fekk amna baat bu ñu gëna jégué moy la ilaha illallah la ilaha amul ben bur bo xamantene def nako jaam ci deug manam illallah kulli allah allah kulli yalla est-ce que fofu lan lay tek moy la ilaha illallah est-ce que amul ben bour bob nañ jël parti bob la ilaha est-ce que day tek ne en réalité divinité ñeneen ñu ñuy jaamu existé wul lool lay tek wala day tek ne ñeneen ñi ñuy jaamu amul kenn kuñ ci jaamu ci yoon ci deug ci lu wër wala limi tek moy amul kenn ci ñi ñuy jaamu ko xamantene boko jaamo def nga li gëna bax ak lan lay tek ci ban la ci ñett sens yi bi ci digg bi la and ak ne sens apparent bi moy amul kenn ku ñuy jaamu parce que le fait que ñu remarquer ne kuy exister effectivement amna ñu exister ñu ñuy jaamu ñeneen ñeene ñi jël nañ ay bant ñeene ñi di jaamu wëru ñeene ñi di jaamu jant bi et cetera kon ñi ngi jaamu kenen ku dul yalla donte wa ahlut tasawuf ñoom dañu am benen mana bu gëna xoot bu ndéggé ci lool mais bo taxu ñu juk mais té lool gisoon nañ ko ci irshad talibin bi ci tollo mais ala kulli halen amul kenn ku ñuy jaamu manam fi sens bu ñëk moy existence bi la dakk mais sens bobu non la réalité da koy wéddi parce que amna ñeneen ñu jaamu leneen kon motax ñuy wax motax bokoy firi da nga nan amul ku ñuy jaamu ci dëgg mano okay parce que ñeneen ñi jaam yépp ci tiaxan lañ leen di jaam okay mais lool nak sens bobu manam le fait que légui lutax ñu jital sens bu mujju bi ci kaw sens bu jëk bi parce que sens bu mujju bi dañu obligé ñew ci deuxième sens bi bayyi sens bu jëk bi parce que sens bu jëk bi réalité bi moko démentir effectivement lool mom motax ñu joggé ci sens apparent bi ñu ñew ci ta'wil bi ñew ci sens deuxième sens moy voilà moy awol bi après nak deuxième sens bobu su dey werna kenn du dem ci troisième sens té moy lan moy moy ñepp ko ci jaamu bax na sauf que ki mo gëna matlé bobu dédd buñu mëna dem ci bobu parce que sens bi werna motax comprendre comprendre bax exactement tay par exemple buñu jëlé exemple bu def moy julli amul ludul ci fatiha est-ce que dafa impossible ci xel wala ci fey nit julli te du tar fatiha xam nga lolu impossible ci fey wala ci man na ne kon nak limi tek dañuy dem ci benen moy julli gu du wer su fekke dina mana bob man na wer kenn du dem ci benen sens bi moy troisième sens bi alors que njapp biñu yexé ci njapp la wudu aliman lam yadhkur ismallah alayhi duñu manam amul njapp ludul ñu tuddu ci turu yalla manam nit ki wax bismillah buy tambalé japp lolu par contre est ce que njapp gi existé wul la moy premier sens bi njapp kon existé wul la dak existence njapp ci bopam la dak dañ nan dedet parce que nit mën na né nit ki japp ba paré fekk du tuddu bismillah do wax bismillah kon du sens bobu taxul yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxuko wax lé kon lan moko taxaw wax moy njapp gi du wër kok moy deuxième sens mais sens bobu aussi dañu gis benen problème bu ci am moy borom bi subhanahu wa ta'ala tuduna faratay njapp te tudalawu ci wax bismillah ci ya ayyul ladina amanu taqumtum lis-salati faghsilu wujuhakum gis nga wa aydiyakum ila al-marafiqikum sahubu rusul yoy tudul faratay njapp tudunako te tudalawu ci la wax bismillah te pourtant bi mi tuddu affaireu rendi daf ni wazkuru smallahi alayhi rendi bi mom daf ci tuddu len turu yalla kon ñu xamne farata la kon ah ñu ne waw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu netali ci mom ne da doon japp muy hadith sayyidina usman bi hadith sayyidina ali bi hadith abdullah ibn amr ibn al-as bi hadith abdullah ibn abbas bi hadith abdullah ibn zayd ibn asim radhiyallahu anhu ñom ne melo yenen tib sallam lim doon jappo kenn ci ñom tuddul waxul ne bi mi tabali dana bismillah kon ñu xamne teki wul lan na japp gi du lan du werr kon ndekete limi tek moy japp gi du mat dañu obligé dem ci 3ème sens bi comprendre manam étape par étape élimination par élimination ligue nak fi tamit sensu zahiru hadith bi mom moy lan moy zikr tok zikr ni boudé sens bobu mën na né duñu dem ci benen sens comprendre té sens bobu mën na nek fi effectivement kon jarul ñu jall ci benen sens donté sens yoy possible nañ lool la wax fi dang motax fa saqata way nak day dal di rot atamassuku di hein ngoy bi ci mom fi a'yanil azkari ci jëmmi zikari ka dalalati comme te kem tektal li nga xamne mom la tektal alama ci li nga xamne tuwila bi mom lañ ko gëndele l'ihtimalihi ngir yanu gi ng ko yanu manam fi même bu fekkene ne sens premier bi lañ wara jël sax mais le fait que yenen sens yi possible ne man na nek ne yoyé la ndax amul dar lu koy dak lool mom motax di ci meuna ngoy pour layé ko day daal di wad qaida bobu gisoon nañ ko ci jotay bi wessu moy bi nek ci kaw wa ci digg bi la non ci digg bi djundjon nako mais waxuko won lool laal da wax na la daf ko djundju te waxuko moy possibilité moy qaida bi nako la inna dalila bo mo fatenako inna dalila Allah Allah on señu gogou dafa guddol Allah wa khara khara khara legum wax lako inna dalila idha tatarraqa alayhi al-ihtimal dakhala fihi al-ijmal wa batala bihi al-istidlal voilà wa gogou la ok dalil su fekente ne ay possibilité daf ci am comme fi hadith bi bi mou la mujjé tudd moy lan moy hadith bi mou la mujjé tudd moy zikar dañu la zikar ay nit ñi buñu dajalo way di zikar duñu dajalo di zikar lulul malaaka yi dañu leen mur ak seeni laaf yi yalla wacc ci ñoom ak dal yeurme nak yalla mur leen yalla di leen tuddu fañane ci fa mom possibilité yi nga xamne mom lañ ko mëna interpréter mën nañ ko interpréter tok di jang alcorane maam di waxtaan ci diine xam xam comme ni jotay bi yalla nañ ko yalla yëkëti ci yalla ñu yalla yëkëti ko ci jotay yoy amin ya rabbi wala bok ñuy tok di waxtaané jumtu way manam moy xéewal yi ñu yalla défal lol tam zikr la wala bok ñu jox ko son sens apparent moy premier sens bi moy tok di zikr kokk nak mën nañ ko interpréter no né ci sens yi mom moy ak moy lol la moy dalil bi iza tatarraqa alayhi al-ihtimal ay possibilité dañ ci ñew jaar ci am ci dakhala fihi al-ijmal kon ak lemu da ci daldi dugg moy day consi dafa consi bu ngop pour ñu mën ko utiliser comme date comme argument donc il faut que ñu faram faati voilà ko ñu ki ko exactement mu am ay preuve ay yenen yu koy leral kon bu baba batala bihi al-istidlal manam diko ñew di ci utiliser diko argumenter day daldi yaqku lolo tax gis nga usul li tax mu am solo tam bok na ci mok ilmul kalam surtout ilmul kalam Allahu akbar ak usul moy day tax nga xam nan ngay forger ay argument lan nga meuna utiliser comme argument ak lo meunul utiliser comme argument non mais c'est technique hein mais c'est très intéressant ah comme li mo wadi waxot oui ça ay gamu gi ki ni waw xam nga waw maniko waw munema waw gamu baxna maniko han munema waw gamu baxna wargo ndax lan motax munema man ndax dama japp ne sa gamu mo gën lay la tan khadiri ndax mu doon ki maniko det defandal yow li ngay wax ni boko waxe gaay nga xamne dañuy bañ gamu dañ nan la dedet parce que yow argument bi nga utiliser da nga ni da nga ni baye ñass nga dégg radhiyallahu anhu mu wax ko lolu rek mom mënu la indil manam mën ta nek argument parce que le fait que baye ñass wax ko radhiyallahu anhu lolu du argument ci ñom argument moy yalla li la wax yenen divi sallallahu alayhi wasallam li la règle bi wax fiqi li lañ wax ci lolu la lolu moy argument manam il faut ñu xam nan lañuy argumenter aussi non c'est que yow mom dafa wax xam xam na lay baye wu ko xel rek yow ce esprit fiqh bi ce waaw ce esprit usul bi ñew nga won ko nek effectivement nak bo bëgge teur argument ci ni ak ni nga koy teulé mais do jël ben wax rek nitu yalla peut-être bu mak alhamdulillah wax nako do bëgge japp lool comme argument alors que peut-être lool do argument voilà parce que en tout cas contre ñi nga xamantene manam boy wax manam dafa am ño xamantene on dafa dalul ilzam ak dalul iltizam ak dalul ilzam wal iltizam lool dafa am manam preuve bo xamantene man ak yow yëp dañ ci dañ koy nangu lo xamne suma ko waxe man ak yow yep dañ koy nang lool moy dalilul ilzam wal iltizam moy kon boba man mën nako utiliser argumenter ko pour yow contre yow comme mën nako utiliser nang ko man djel ko mu am liñu wax dalilul ilzam moy preuve bo xamne argument bo xamne man dama koy djel ngir né man d'accorduma ci hein manam man mënul nek argument pour man c'est pas possible mais comme yow say principe ak say façon xalaté dang koy mëna nangou dama koy utiliser contre yow lolou moy dalilul iltizam legui dalilul iltizam moy man ak yow dañuy yorenté ci lo xamantene man nané argument ci man manam mo utiliser argument bo xamné ci man selon règle yi may doxé man mëna nek argument ci man mais man tane argument ci yow lolou moy dalilul iltizam mais nak boy yorenté nit doko utiliser doko jox dalilul iltizam dalilul iltizam ko jox wala ñaari iltizam wala iltizam effectivement voilà il faut que dalil yi ngoy indil momu nam mu accepter comme momu meun ko accepter comme argument déjà effectivement mais bu nekké li ngoy indil comme argument ci yow rek le valable voilà mom valable lu ci mom voilà du ko meun nango en fait voilà exactement d'accord voilà voilà voilà mi ngi melni rek tay nga dem fenn ci benn banque tout ça ñu laaj sa pièce d'identité nga genn carte d'identité sénégalaise pourtant valable na ci yow ah en tant que sénégalais mais beaucoup ah c'est une de ce jeu de laj voilà voilà sa carte de résident voilà carte d'identité voilà carte d'identité française voilà bo la jël laj bo mo fay dox voilà deng rer na mus yamone moy bi fini moy to wala bi l'ihtimal ji sorry ngade fi moy fi dedet voilà fi la moy voilà l'ihtimal ji manam voilà hein dir possibilité gi mu am wa qala muné wa fa in qila buñu né yattami'una lay gis nga xol subhanallah ayen bi la top wa yattami'una dañuy dajolo gis nga bat bi wa ana gis nga ayen bi num ko tobe wa voilà dañuy dara kulunte ñom kenn kep kenn ala zikrihi mi ngi ci ci karam manam bu fekente na da nga né manam lañ xol hadith ba la nga xamne daf ni malaika yi dañuy dem borom bi ne la luñuy def subhanahu wa ta'ala ñu ne sa jami dañ lay sabbal di lo di wax la ilaha illallah di wax subhanallah allahu akbar a titre d'exemple budé lool la nit wax xam nga nit mën na la wax ne non mais c'est que dañuy dajalo ga parce que hadith wax na dañuy dajalo mais kenn ko ci nek day tok ci sikar ha muna buñ waxé lolou fal jawabu tontu bi tontu bi moy in kana ndem nek na sirran ci yelu fa jadwahu akuk mayam manam ak feñam ghayru zahira du feñ manam du nek lu feñ manam njariñam fa jadwahu njariñ gi ghayru zahira du nek lu feñ su fekkonté né dañuy dajalo rek kenn ku ci nek tok ci sa wet ci sa wall ñu tok di ci kar touti kon dajalo gi neeku amul jariñ ku ne xamna ni kon di dog di dajalo pour ci kar kenn ku ci nek yor sa course bokatu sa wet di ci kar say subhanallah ak say allahu akbar xam nga lolu taxul ñuy wax wallahi loolu ku xol rek xamni dañu dajalo pour sikar rek xamni loolu taxu ñu jox du deug ah legi mu ne wa in kana bu fekete na nek na jahran ci lu bir ci biral manam bu de dañuy zikar di wax ci kaw fala yakhfa nabut ma fihi li ci nek min isaati adabi ci ñaawé teggin bi takhlit ci jaxase wa ghayrihi ak leneen lu lool mi ma ci li nga xamne la yasuhu manam jaadu wul fi hadithin nas ci waxtanu nit ñi fadlan waxuma lak an zikrillah wal tuddu ci mbirum tuddu yalla ta'ala ji kawji ngayde legi mu ne su fekkentene da nga ni waji dani no dañuy dajalo mais kenn ku ne day sikar waxna la bu fekkentene kenn ku ci nak da tok ci sa wall di wax mais ci souf koku kon dajalo gi taxul feñul manam le fait que ni mbir mi li tax mu am jagle deug moy dañ doon dajalo pour zikar kon bu boba lol dootul feñati maintenant su fekke ñoom tamit ci kaw lañuy wax le fait que ñu dajalo di wax ci kaw budé nak kenn ku ci nek da ngay tok rek wax sa ki nan la ilaha illallah kenan subhanallah kenan alhamdulillah ñepp di wax ci kaw mune lolu tamit ñak teggin da ci ne voilà c'est ça en fait parce que le fait que parce que après genre cacophonie les donne exactement lolu la lay wax on s'entend plus voilà ku nek limite nga tok sa keur sikar mo gën voilà lolu la lay wax mune nak waxtanu nit ñi rek ñun ñi rek tay buñ togon di waxtan nek 5-10 personnes di waxtan le fait que ngay wax kenn du deglu sa morom lolu rek ak ñak teggin da ci nek rafetul jaadul ci waxu nit ñi yalla téré ñu wara tok di zikar nak di tuddu yalla kenn ku ci nek di range sa morom comprendre mune nak kon nak fa lazima day daldi war day daldi takok jawazu ak daganam bal li fi nek nadbuhu ak sopam bi sharti ci shartam ha day dig kon boba ben fenn rek nga mëna wax len rek nga mëna wax moy moy ne da kon dagan na ñuy dajalo di zikar au contraire sax dañoo sopp ñuy dajalo di zikar ci shartam mune na'am ahan kay waaw wa ta'wil tasbih gëndel ak sabbal gi wa tahmid ak sant gi wa tamjidi ak bak di kagn bi tezkar ci di fatilente bi tawhid ci wetal maam di sédé wetal borom subhanahu wa ta'ala min ab'adil ba'id bok na ci li gëna sori ci li sori fa ta'wiluhu ak gëdël ko ghayr maqbul du neful lu ñu nangu li bu ané ngir sori gi mu sori an al afkar wala xalam yi xalaati manam tay boone non c'est que dañuy sabbal yalla diko bak diko kagn diko ki limi tekki moy dañuy dajalo di fatalante maggu yalla dal mam tawhid wetuk yalla ko lool tamit lool buñ ko nangu parce que lan parce que loolu déjà le fait que mu nañu sabbih dañ lay sabbal dañ lay def dañ def la ilaha illallah dañuy utiliser batu kabar tag yoy moy wané ni bat ci bopam lañuy sikkar mais nekkuñu rek di tuddu wétuk yalla manam le fait que ñu tok nan dañuy waxtane ay masalay tawhid rek lool taxul ñuy wax parce que lool dafa sori xel yi interprétation bobu dafa sori té interprétation même bu jégué dañuy jital zahir bi ci kaw mu awwal ci kaw liñu interpréter lan ngay imaginer sou des interprétation bi dafa sori kon boba duñ ko nangu mune iz ndax la yaxturu du rot illa bil akhtar lulul ci ay khalat han wa zalika li min maqasid ash-shari' dafa bok ci djublu way sharia kon ba'idun dafa sori jiddan ci lol fafam deglu ko manam fafam deg li comprendre ko manam ndax lol han du rot lulul ci yenn xel yi kesse te le fait que sharia manam le fait que hadith bi di tektelene dajalo ci zikar dafa bok ci objectif sharia yi le fait que hadith bi diko tektale mom motax munoko interpréter lo xamantene dafa sori torop comprendre parce que sharia bu amé objectif ci dara nim koy waxe day leer duko wax ci anam go xamné interprétation bi day sori lool la wax muné kon nak nga comprendre lool summa qala top mu wax mom kan Cheikh Azarouk radiyallahu anhu muné ba'da ginnaw itmam matal hadhihi alqa'ida bi qa'ida règle bobu non muné wa itmam ak matal qa'ida ukhra benen règle mu ci tek ci muné fa amma ndal parce que li tamit benen Allah Allah Allah Allah lu am solo la ndax dafa am ñuy tektaloye ci wax ji ni wax ji di ñew dafa am ñuy ci tektaloye ci bir wahhabiti pour di téré zikar ci mbolo mom lay wax ni fa amma ndal qawlu waqub ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah bur yalla anu ci mom li qawmi ñeel ay nit yo xamne wajadum daf leena fekkon yadkuruna ñuy hein ñuy tudd hein jumaat nu nek ay nit ñu tok lool la wallahu aalam baat bi wallahu aalam hmm hein hmm legui dina verifier baat bi inshallah muna laqad jitum ne dikke ngeen bi bid'a ci bid'atun zulman ngir togn awala bok laqad deug deug fuktum aw ndax laqad deug deug yeen fuktum da ngeen fete kaw ashabu muhammad ni dan and ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xam xam manam sayyidna abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu fek ñu zikkar tok ni di zikkar ci kaw ni mu tere len ni len li ngeen indi bid'a la lendum la zulman ak lendum la est ce que da ngeen yaakaane yeen raw ñi dan and ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci xam xam deng gaay ni ko di mune li ngeen di def ni baxul tok gi ngeen jotaayo ni di zikkar mune lolou niñ koy tonto moy li fal jawab tontu gi anu ci lu wax joju nonu annahu moy ne kat mom abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu lam yablughu jotewul ci mom hadith bi nga xamne hadithu targhib mom moy xemem lo ni fi ci zikkar gogo non ci mbolo aw wala bok ankara li da annahu li wor moy mom te lolou mom moy li djub insha allah parce que lu tum ranke la jotaay zikari ak mi mu bare jamono yantibi sallallahu alayhi wasallam ñukoy mu koy baña xam ak tamit wax yi ni li kon benen bi la moy ne ankara dafa dingat al hay'ata manam amine gi defin gi ci bopum al hay'ata wa moy defin gi posture bi la façon de faire voilà wa nahwaha ak kemam ak yu mel non manam dafa am lu muy dingat fofu ci zikar bi comme te par exemple ñi di zikar di ci bolé lu ci bokul han ak yoy nonou wa non mais moy yenn façon chicar yi ngay gis rek di teub di dal wala weur wala di jappante di cotante courant wala jaxaso wala wala yu mel non wala wa d'accord wala ñi di yuxu yo xamné han wa donc lool lay jundju quoi façon bi mettre wala utiliser wala muna illa lu lool amu bu lool amu rek fala yasih du yewen du wer inkaruhu ak dingatam bi hadal waji ci gogul anam ba'da ginnaw sihhatal hadith wiruk hadith bi hadith bi mom kom werna djuge ci yantibi sallallahu alayhi wasallam mom bu ko xamone ba pare manam munu ko xam ba pare diko dingat effectivement lolou mom lu tumu ranke voilà sino rek amna lutax mu dingat ko lenen lu ci dugg lu ci rax lu ñu netali walawul kon dañu netale mbir mi ci manam de manière concise hadith bi dañu ko netal de manière concise mais netali wuñu détails yi ci nek ci bir effectivement comprendre wa wala bok sayyidna abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu kon xamul won hadith lool mom motax intaha fi la wax ci yam muné wa fi nek na ci téré bi ñu wax miftahul falah limna ata illa al-iskandari radhiyallahu anhu الفصل الاول دوك باي بو نيك با نينا مي نكوي داف في ما سي ليغا خامتيني ورا دا رودنا في فضل الذكر سي غنالو ذكر ور اتما اك داجلو علي سي موم وذكر تودنا موم عبد الله موم كان ابن عطاء الاسكندر رضي الله تعالى عنك وجا انو تي موم الاحاديث حديثي التي ييغا خامني استدل موم لا تكتلو بها سي موم على ذلك تي داجلو دي ذكر ki ngeneluk zikar ak di dajalo ngir zikar suma top na qalam wax ba da zalika ginnaw hadith yoy yep mu indi muna babul jahr buntu biral bi zikri ci zikar wa zakara mutudu tamit radiyallahu anhu mom kan ata illa iskandar radiyallahu radiyallahu gërum allah bur yalla taala ji ko jaanu dum al ahadith mu tudal hadith allati nga xamne istadalla mom lay tek to bi ya ci mom ala zalika ci lolu ila an qal fa fam nan wa yurwa solo nañu ne an nasiddiq naka as-siddiq muy kan Abu Bakar wala ku deggu radiyallahu anhu kana nek na ha yu khafitu manam di woyofal di wacce lol ak batam fi salati ci jullem bi layli ci guddigi wala yarfauta danu yekati sawtu ho batam wa kanata nekon Umar sina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yajharu dan biral fi salati ci jullem mom daga dan wax ca kaw ak ay ñaanam fa sa'alamu laj rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abubakar siddiq radiyallahu anhu am fi'alihi ci jeufum nan ko lutax ngay wax yow boy buñ la gisé ngay julli ak yow ci souf ngay wax wala hein ci souf rek ngay tari fa qala mun allazi ki nga xamantene moy bur yalla bi nga xamantene unaji mom lay diyalé ak mom ki nga xamantene mom lay diyalel yasma wa deg kalam sama kaddu wa sa'alamu lak Umar radiyallahu anhu fa qala munako ha uqizu damaye al wasnana manam li nga xamantene manam moy ñu ngeumentu gi manam ko xamantene dafa ngeumentu dama koy yé wa damay baña nelaw bañ tamit ñi nga xamantene ñoo fi nek voilà wa atradu te damay daq ash-shaytan ash-shaytan wa urdi te damay geureum lo ar-rahman rahman bur yalla bi jëfess te li jërum ne lolo tax makoy wax ci kaw utilité bi pour man la daq shaytan jëri nit ñi voilà ki sama borom wala geureum lo sama borom fa amara mu digel nak rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq radiyallahu anhu bi raf'i sawti ci mu yekiti kaddo wawal jahrto lolo biral walam ya'mur ti digelul umar ibn khattab radan bil israri ci mu wacce kaddo mu bir mu wala mu bir mu manam mu lan mu yelu moy wax ci wala waxuko lolo mi sayyidna umar sayyidna abubakar radan nak yekiti sa kaddo tuti rek balli fi nek limu wax sayyidna umar da bi khafdu sawti moy mu wacce bat kaddom tamit touti manam muy wax ci kaw kaw didit legi waxal dank ki tamit sayyidna abubakar radhiyallahu anhu ko yekitil touti te loloy biral d'accord parler ou prononcer ou réciter d'une façon modérée voilà ni trop haut voilà ñom ñaar ñep ni à voix haute voilà ni à une voix très très basse voilà d'accord ni non ni à voix secrète manam une restation secrète d'accord ni en chuchotant ou en voilà. murmurant voilà d'accord mais voilà muna wa iza kan bu fekente na nek na fi hada li fil qur'an ci al qur'an wa huwa tam moy afdalu dhikri ngeen di sikar al qur'an moy ngeen di sikar su fekente ne ci al qur'an lañ wax nañ ko doxale ni fa ghayruhu lenen lu al qur'an kazalika tam niki nonu la wallahi ci zikar mën nga ko wax ci kaw kon kon ndekete wax al zikar ci kaw lol tamit benen dalil la ngi ni amna yeneeni dalil wax na lako neena la sayyidna ibnu ta'ala askandar radiyallahu anhu ci terem bo miftahul falah wax na ci dajalo ci zikar ak ngeenelam indi na hadith yi ko tektale wax na ci biral wax zikar ci kaw indi na ay hadith yi ko tektale mom cheikh omar radiyallahu anhu tuddu len wala bok mu tuddu yenn yi ci parti bu jëk bi moy fi ñëk romb yi ni voilà ala kulli halin kon xamna ñoom fofu inshallah jotaay bi di ñëw jotaay bi di ñëw dina day ñëw nak légui ci dajj waxu ñi nga xam nga commencé nako sax amma ku tektelo fi li lañ koy tontu ku tektelo fi lool dina lool mais dina ci ñëw nak ci cultu bi parce que cultu lay jëkke waaw toute façon ki tektelo ci hadithu ibn mas'ud bi déjà indina dalil bi kay dikoy dajj bikoy dajj wa mais lool cheikh ahmed zarrok la won wa radiyallahu anhu legi ibnu ta'ala askandar radiyallahu anhu mom tamit waxna benen bir koy gëna deugural ci wax ci kaw et cetera mais legi mom bu ñëwé mom cheikh omar radiyallahu anhu dina wax tamit yenn ñenn ñi seen ay yenn ay ñu tekto lo wala yenn hadith ngir leunt yeek yoy tamit ñu tontu len inshallah mais alhamdoulillah ce qui est intéressant ici en fait moy ci karu mbolo bo xolé borom xoxomi en tout cas ci nimu ko comprendre ci ñom ni ñuy ñëwé moy ni ngay gis ne rek à chaque fois dañuy démontrer mais dañuy démontrer des fois même mot par mot wala phrase par phrase wala idée par idée ñu lay démontrer nek effectivement chikaru mbolo li ak li ak li motax mu bax bo xolé ibn atala al-iskandari radhiyallahu anhu limuy wax fi moy chikar ci kaw mom ci lolu le teje voilà mom la cheikh omar radhiyallahu anhu lolu la soxla ci waxam lolu la soxla ci waxam lolu la indi alors que bo xolé cheikh ahmed zarouk ahmed zarouk radhiyallahu anhu mom ci mbolo mi le fait que ñuy dajalo diko def voilà mom argument mom argument ci lolu lako tekkon ci lolu lako teggo te lolu la indi voilà. Ce qui fait que dafa dem ci cheikh ahmed zarouk voilà. Radhiyallahu anhu indi vraiment le fait que ñi di bolo de chikar voilà. Lolu fum ko tek mu indi ko voilà. Dem ci nak ibn adala al-iskandari indi le fait que boy chikar ngay wax ci kaw exactement mon cheikh omar ki yebe radhiyallahu anhu jazakallahu anna khayran wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين